evil come, the water buffalo, to the animal come, so to the crocodile, the cool running water of the Egyptian Nile. Je vais le guide en Égypte. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Welcome in Egypt. Shukran. Comment t'appelles-tu? Georges. Ah, aussi, pareil. Toi, Georges. Sabah El Reher, bienvenue à vous. Suivez le guide est en Égypte, un enregistrement réalisé à l'automne 2014, alors que l'Égypte connaît une vraie baisse de fréquentation touristique, moins sur les sites balnéaires, qu'au Caire ou en Haute-Égypte, là où nous mène notre voyage. Nous sommes à Louxor, une heure d'avion, 700 km au sud du Caire. Mohamed, qui travaille pour Voyageurs du Monde, nous y a accueillis. Une journée à Louxor, visite des principaux sites dont le temple de Karnak, étape au superbe hôtel mythique Sofitel Legend Winter Palace. Puis c'est à Louxor que nous embarquons le lendemain, à 11h précisément, à bord du steamship Soudan. Chaque cabine a son nom, lié à l'histoire de l'Égypte et du bateau. Cabine 17, le Vénitien inconnu pour Roman, qui garde encore son mystère. Pas Roman, le réalisateur de l'émission, mais le Vénitien. Cabine 15, John Mason Cook, pour moi, le fils de Thomas. Thomas Cook, l'inventeur du voyage organisé. Amir, le directeur du bateau, nous accueille chaleureusement. 67 hommes d'équipage travaillent et sont logés à bord, pas de femmes, pour 36 passagers très choyés. Ils sont une douzaine en salle des machines, salle au pluriel, l'une pour le moteur au gasoil, l'autre pour la chaudière, car notre bateau est le seul vapeur sur le Nil. Le moteur et les pistons sont d'origine. Sabah Khir, bonjour et bienvenue à bord sur le steamship Soudan. Comment allez-vous ? Je suis Amir, le directeur du bateau. Nous allons partir en croisière, Amir. Là, on est à Louxor, encore. Le steamship Soudan a son quai pour lui tout seul. Il y a beaucoup de bateaux qui sont amarrés à Louxor. Oui, mais on préfère d'avoir un quai tout seul. Pour un bateau comme le Soudan, unique et fragile aussi, un bateau complètement en bois comme ça, doit être en place plus calme. Un quai privé. Exactement, voilà. Exactement. Plus calme, mais peut-être à l'image aussi de la croisière sur le steamship Soudan. C'est une croisière calme aussi, non? Pour passer des moments confortables pour nos clients. Voilà, c'est une ambiance tout à fait particulière. On a presque envie de chuchoter sur le steamship Soudan. C'est le seul programme qu'on fait le parquement le mardi et les départs des bateaux le mercredi. On arrive le mardi normalement, ensuite le mercredi matin, là on est tout seul à bord, Amir, oui. Parce qu'ils sont partis en excursion. Exactement, hein. Les clients sont partis ce matin, 16h le matin. Très tôt. Hein. On a préféré de le faire très tôt comme ça, d'abord pour gagner du temps, de faire des visites confortables quand les clients sont le premier dans le site, mm-hmm. Par exemple. Donc ils arrivent les premiers. Exactement. Dans la vallée des Reines, dans la vallée des Rois. Oui. Nous avons 4 sites aussi de programme. Ça doit commencer tôt pour faire toutes les visites parfaitement. Nous avons le vallée des Rois, vallée des Reines, vallée de Noble, le tombe de Medine Tabou. Et troisième chose aussi, de profiter le maximum de navigation après le retour des visites. Nous allons passer 48 heures ensemble, oui, deux jours, 48 plaisir, heures. C'est le plaisir. Et nous allons remonter le Nil sur environ, là maintenant, ça correspond à peu près. On va naviguer d'ici vers midi et demi, 13 heures maximum. Et on va naviguer jusqu'à 8 heures le soir. On arrête un peu pour passer l'écluse des Esna et continuer navigation jusqu'à 1h30, 2h matin, demain matin, mm-hmm. Jeudi. On va arrêter à Edfou. Demain matin, vers 8h le matin, on va faire les visites de la tombe de Edfou, une calèche. Ah, et c'est très intéressant. Retour sur le bateau vers 11h et navigation jusque le soir. Ouais. On va arrêter demain à Komombo, vers 18h30, 19h. Et on va aller faire les visites de Komombo, la tombe de Soubik à Komombo. Et c'est très intéressant. En soirée, comme un spectacle. On va passer la nuit demain à Komombo. On reste à Ké. On reste à Ké, exactement. Le lendemain, vendredi matin, on navigue vers 8h30, aussi pour donner la chance pour les clients de profiter de navigation, le maximum de navigation de pendant la journée pour profiter les paysages. Donc regarder les rives du Nil, bien sûr. Oui. On arrive à vendredi après-midi à Assouan, vers 14h. C'est la fin de la croisière. C'est la fin de la croisière. Et puis vous allez accueillir un autre groupe qui va revenir. Non, mais c'est pas vendredi directement, vendredi soir. Les gens sont partis après le déjeuner vendredi pour faire les visites d'Assouan et la nuit à Assouan et le départ le samedi. Ah, ils vont dormir à Assouan oui, le vendredi. Oui, c'est la quatrième nuit. D'accord. Oui, oui. Donc il y a une nuit à Luxor, une nuit à Assouan. Les gens départent, faire le départ le samedi matin. On fait l'accueil aussi dans le même temps le samedi matin pour... Les nouveaux. Les nouveaux, ceux le 3 nuit. Revenir vers... À partir de 7h le matin jusqu'à 11h, midi. Mais les gens déjeunent à port. Ouais. Les nouveaux. Donc ce sont le nouveau groupe qui va venir à Luxor. Exactement. Ouais. C'est ça le programme de 3 nuits. Oui. Il y a sept programmes qui commencent à Luxor jusqu'à Assouan, c'est 4 nuits, 5 jours. Et l'autre est plus court. Oui, parce que mais on fait les mêmes visites. Oui, il y a juste des temps d'arrêt qui sont plus courts, sur les arrêts, les escales. On navigue d'Assouan, on navigue avec le courant, c'est le plus vite. Ah oui, forcément, le bateau descend. Il descend, là nous allons remonter le Nil, oui. Effectivement dans l'autre sens, le bateau descend le Nil, oui. Et donc il va plus vite. C'est la vitesse qu'on navigue avec le courant, c'est plus vite. Oui. Oui, et il y a différence à peu près 2 heures. Le steamship Soudan, parfois, va jusqu'au Caire. Oui, oui. On a déjà fait 2 ans déjà la croisière longue. Oui. Assouan le Caire à Assouan. Chaque croisière, 2 semaines. Il y en a 2 semaines pour faire une croisière à Assouan jusqu'au le Caire. Mm-hmm. Et 2 semaines pour le retour de Caire vers Assouan. Et c'est très intéressant. C'est une expérience exceptionnelle. Heureusement que sur cette croisière, nous avons un client. Il a déjà fait la longue croisière. Ah. Il est revenu pour faire son anniversaire à bord. Une fois qu'on est venu une fois, ça donne vraiment envie de revenir à bord. Oui. Mm-hmm. Parfois, est-ce que vous faites des soirées où on s'habille un peu comme à l'époque, comme il y a un siècle ou Exactement. On fait ça quand il y a un programme fermé. Il y a un groupe fermé. Pour une soirée privée, une croisière privée. Et si pour le programme, même le 4 ou 3 nuits, il n'y a pas de temps de faire ça. Non, c'est vrai. Oui, ouais. Parce que le premier jour, les visites de Karnak et Luxor, jusqu'à 19h le soir, et les gens doivent venir pour dîner et parce qu'il y a des réveils tôt le mercredi. Mais on fait le mercredi soir, ce soir, on fait cocktail comme apéritif, et j'explique le soir des bateaux, les dates de construction, Agatha Christie et son visite, le tournage de Mort sur le Nil, parce que nous avons 2 versions, l'ancien et la nouvelle. Et le tournage s'est fait sur le bateau? Les deux, oui. Les deux. Oui, le deuxième était complètement à bord et j'étais personnellement avec l'équipe de film, moi. Le deuxième, c'est lequel alors? Le deuxième, c'était en 2003 et par David Suchet. C'est lui qui a fait le personnage de Hercule Poirot. Perfectly within her rights. I'm sorry, did you not see the way she behaved just now? Oui, but she did not actually threaten you or cause you any bodily harm. No, evidently she is very much aggrieved, madame. If you're implying that I stole my friend's fiancé, then I assure you, you're wrong. David Suchet, c'est un acteur anglais. Et la première version, c'est celle avec... Peter Ustinov, comme vous savez, avec Peter Ustinov, bien sûr. Oui, mm-hmm. Oui. David Suchet, c'est le Hercule Poirot à la télévision. Oui, oui. Effectivement. Et après ça, je présente tous les chefs de département qui travaillent avec moi pour mes visiteurs. Et ça fait très bonne ambiance, contact direct entre l'équipe et les visiteurs. Et on fait l'opéra et le restaurant aux chandelles. C'est une soirée magnifique. Tiens, ouais, oui. C'est magnifique. C'est ça à la place. C'est romantique alors. Parce qu'il n'y a pas de temps de faire beaucoup de soirées à bord. Donc c'est à la place d'une soirée disco. Oui. À Assouan, à Luxor, c'est difficile de faire une soirée parce que les gens aussi, ils aiment beaucoup de découvrir la ville. La seule soirée quand nous avons tous les gens à bord, c'est le mercredi. C'est le plus romantique aussi, dépend de navigation. Ça va être inoubliable. Mais tout doit être parfait. Doit être parfait. Doit être parfait. Oui, bien sûr. Thank you. Quelle est globalement la part de passagers français, francophones sur le steamship Soudan? C'est la propriété, c'est géré par voyageurs. Oui, enfin, c'est voyageurs du monde, donc des voyageurs du monde. Oui, mais il y a deux autres nationalités à Port. Je suis à Port à peu près 15 ans, jusqu'à 5 ans déjà, à peu près 5 ans déjà. La majorité, plus de 95%, étaient français. Mais à partir de 5 ans déjà, nous avons ouvert le marketing. Nous avons maintenant sur le bateau beaucoup d'Anglais, ça arrive beaucoup d'Allemands, Espagnols et Français. Mais la majorité reste toujours français. Mais le pourcentage... Il y a moins de Français, c'est la majorité, mais... Mais ça, exactement. Les autres, par exemple, nous avons aujourd'hui 34 clients, il y a 12 Anglais. Ouais. Et le reste... 22 Français. Ils ont plutôt quel âge, les passagers du steamship Soudan? Même il y a des familles, les parents, les enfants, ça arrive beaucoup, spécialement les saisons de vacances en France, comme les Toussaint, comme le... Donc là, on est en plein dans les vacances de Toussaint. Aussi, les croisières normales, il y a des gens âgés, mais il y a aussi des gens qui font le voyage de noces. Et quand le bateau affiche complet, il y a combien de passagers? Et 46. 46. 46. Et sur le plus gros bateau en capacité qui navigue sur le Nil, il peut y avoir combien ça de passagers? 160. 160. 160 clients, oui, 140 clients. Oui. Et si c'est un bateau historique, bien sûr, exceptionnel, oui, unique, bien sûr, mais bien sûr. Aussi, j'aime beaucoup d'ajouter une autre chose, c'est un bateau familial. Donc, on est en famille avec vous, Amir, alors? J'ai fait l'accueil à peu près 98% pour mes clients. Et quand je fais l'accueil, après expliquer toute l'information pour la vie à bord et la sécurité, et les programmes, je demande quelque chose de mes visiteurs. Ils doivent vivre comme chez vous. Comme chez soi, ouais. Exactement. Comme des princesses et des princes dans un palais. Et je suis honnête quand je demande ça. Et je suis prêt de faire ça. Parce que je crois ça. Je crois que chaque visiteur sur le steamship Soudan doit vivre comme un prince. Et j'adore beaucoup les bateaux, mes visiteurs. Et c'est le maximum de plaisir de faire une ambiance et un service royal pour les visiteurs. C'est les gens, ils peuvent sentir ça directement et commencent à faire une ambiance féminine. Il y a aussi un travail, bien sûr, c'est ce que vous faites passer à toute l'équipe qui travaille ici. Même, nous avons une ambiance féminine, mais aussi avec des limites pour les clients. Par exemple, quand je reçois des invitations de manger dans le restaurant, je ne peux pas accepter pour beaucoup de raisons, parce que dans le même temps de repas, j'ai beaucoup de travail à faire, mais aussi pour une raison personnelle, que je suis ici pour vous. Je suis pour les clients, pour faire les services, pour faire le meilleur. Ce n'est pas avec les clients. Mm-hmm. C'est ça que j'aime beaucoup de confirmer, que même on essaie d'avoir une ambiance familiale, mais aussi avec des limites de respect pour nos visiteurs. Suivez le guide en Haute-Égypte à bord du steamship Soudan qui monte et descend le Nil entre Assouan et Louxor. Le seul bateau historique sur le Nil avec 15 membres d'équipage en cuisine et au service. C'est une bonne table et nous sommes impressionnés par l'efficacité du service. Buffet au déjeuner et dîner aux chandelles. Le menu, s'il vous plaît, annoncé par celui que nous surnommerons Omar Sharif. Omar Sharif. Voilà. Les jeunes. Ashraf Omar Sharif, parce que c'est la moustache. Hein, oui, petite moustache. Petite moustache. On va parler avec vous, Ashraf, du menu. Alors, chaque menu est thématique. Il y a un thème pour chaque repas. Hein. Voilà, oui, chaque repas, les menus midi, s'appellent Source du Nil. Source du Nil, oui. Le plat principal, c'est ça, le plat égyptien, s'appelle Kouchari. Du riz avec des macaronis, avec de lentilles, avec du riz avec des macaronis. Oui, ah oui, avec des oignons, avec de lentilles, avec du coffre et oignons. Ouais. Après les. Alors le nom c'est comment? Redites-nous, Omar Sharif. Le nom c'est. S'appelle Kouchari. Kouchari égyptien. Kouchari. Aux autres c'est ça, moussaka. Ah. Moussaka aubergine avec des tomates, avec des poivres. Moussaka comme en Grèce? Moussaka comme les Grèces, les Égyptiens aussi. On fait la moussaka en Égypte aussi? L'Égypte, voilà. C'est ça? Képé. Képé. Képé, c'est ça. Égyptien, Libanais, Syrien, les tout. C'est comme une boulette de viande, enfin c'est non, de la viande hachée. La viande hachée avec des raisins, avec des cacahuètes, raisins, oignons. Cacahuètes. Ah oui. Voilà. C'est très joli. Hein. Si. Le chef a bien travaillé. Les salades. Les salades chauffassées. Chauffassées et carottes et tomates, la crème de sésame. Ah, crème de sésame, c'est bon ça. Hein. Ouais. Bon appétit. C'est appétissant. Comment dit-on bon appétit? Belhana, Sarah, c'est sa santé. Ah, ben, Belhana ou Shefa? Belhana ou Shefa? Bon appétit. Belhana ou Shefa? Shefa. Voilà. Belhana ou Shefa? D'accord. Et Sarah, bon c'est quand on trinque, hein, c'est ça? Oui, Sarah, oui. Voilà. C'est quand on trinque. Voilà. Shukran. Afwan. Omar Sharif. Afwan. C'est à John Mason Cook que l'on doit le développement du tourisme en Haute-Égypte à partir de 1860. 1886, il supervise à Louxor la construction du Winter Palace et trois ans plus tard, à Assouan, celle du Cataracte, que nous découvrirons, étape obligatoire pour les voyageurs obligés de changer de bateau pour gagner les temples de Haute-Nubie et d'Abou Simbel, car il y a des chutes sur le Nil. Mais tout de suite, nous passons une écluse et conversons avec le guide francophone du Steamship Soudan. Bassem, vous êtes le guide francophone. Oui. Il y a deux guides hein, sur le bateau, oui. Sur le Steamship Soudan. Il y a un guide anglophone, oui. Et francophone, c'est vous. Oui, c'est moi. On va avoir l'occasion de bavarder pas mal, mais là, simplement, c'est un moment qui attire les passagers du Steamship Soudan sur le pont supérieur, parce que nous allons passer une écluse. Ce sera notre seule écluse. Ben dans ce trajet, oui. On peut trouver de 6 jusqu'au cœur 4 écluses. Ah, et on les a fait l'année passée avec la longue croisière à Soir-le-Cœur. C'est pas tant que ça, finalement. Ça va, ça va, ça va. Ce qui m'étonne, voilà, en arrivant à cette écluse, Basser, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, chez nous, quand il y a des écluses et quand on construit un bateau, on construit des bateaux en fonction de l'écluse, bien sûr, pour c'est que sûr, le bateau puisse passer. C'est logique. Ici, le bateau a été construit en 1885, l'écluse, ben, bien après. En fait, il y a deux écluses ici. L'ancienne écluse, elle est par là, à 300 mètres. Il ne fonctionne plus comme écluse, c'est devenu un pont. Et l'ancienne écluse, elle était faite en 1905. Ils ont déjà calculé la largeur de tous les grands bateaux qui font la croisière. Mm-hmm. Et voilà, ils ont dit que le bassin de l'écluse, ça fait plus ou moins 15 mètres, qui est la largeur maximum de n'importe quel bateau. Ah ouais. Après ça, quand ils ont fait la nouvelle écluse, où vous êtes maintenant en 1990, on a respecté les mêmes tailles. Mais notre bateau, il passe à peine. Si vous regardez un peu, oui, là et là, il n'y a même pas 25 cm de chaque côté. On ne peut pas le resserrer, c'est pas possible. Et à mon avis, c'est un moment extraordinaire pour tous les clients parce que maintenant, on va monter parce qu'on avance vers le barrage, vers le sud. Quand on fait la croisière dans l'autre sens, on descend. Ouais. Et ça change de temps en temps, mais aujourd'hui, à mon avis, ça doit être 7 ou 8 mètres. On va maintenant monter, on est en train de monter 7 ou 8 mètres. Une écluse, c'est un peu une attraction hein, dans en la fait, croisière. Ils ont choisi à faire l'écluse ici. Oui, sûrement, pour les clients, c'est quelque chose d'intéressant. Mais c'est fait essentiellement pour l'irrigation. Oui. Pour un peu contrôler le niveau d'eau dans les canaux d'irrigation sur le Nil. Mm-hmm. Et c'est pourquoi ils ont choisi à Esna. Parce que le Nil ici, il est très large. Et aussi, il a quelques turbines d'électricité. Avant, on avait toujours le souci de passer l'écluse à l'heure. Parce qu'il y avait un seul bassin. Il y avait beaucoup de tourisme. Il y a 10-15 ans. Ouais. Hein? Et maintenant, heureusement qu'ils ont fait un deuxième bassin. Ça veut dire qu'on peut faire passer 4 bateaux à la fois. Oui, ce qui c'est pas pourquoi mal. On a moins de problèmes. Mais beaucoup là on n'a de... aucune attente. Il faut bien reconnaître parce qu'il n'y a pas beaucoup de trafic hein, de bateaux de croisière. Mais il peut y avoir beaucoup. On peut attendre quand même davantage. Là, pour le moment, non. Il y a 5-6 ans, allez. Il y a 5-6 ans, oui. On pouvait attendre 3-4 heures. Ah oui, quand même. Oui, oui. Il y a 10 ans, avant qu'on fait le deuxième bassin, on pouvait attendre 18 heures. Un 18 jour. Oui. Un jour d'attente à l'écluse. Ouais. Alors il y avait. J'ai des souvenirs ici sur l'attente devant l'écluse. Ça faisait. Et réfléchir. Ouais. Voilà. Finalement, ça bouchonne partout en Égypte. Alors ça bouchonne dans les rues du Caire, ça bouchonnait autant ici que dans les rues du Caire. Mais les rues du Caire, c'est un peu exceptionnel. Un peu. Ça ne bouchonne plus ici. Alors, avant après le deuxième bassin, il y a beaucoup moins de problèmes. Même si tout le bateau, ils vont revenir à travailler, il y aura beaucoup moins de problèmes. Mais avant le barrage Nasser, dans les années 50, hein, avant le barrage, oui, avant les... Oui. Le Nil était plutôt fougueux. Oui, et quelquefois, dans quelques mois, ça n'était pas possible à naviguer. On ne pouvait pas faire la croisière toute l'année, c'est sûr et certain. Ah, parce que juste avant la crue de Nil, le niveau descend, baisse. Et voilà, quelquefois, ça arrive à 2 mètres, à 3 mètres, c'est pas possible. À propos, tous les bateaux, comme le nôtre, et même le nouveau bateau qui font la croisière, ils sont le fond plat, parce que sinon, ça avance pas. Avec le banc de sable, ça avance jamais. Ouais. Et on a le risque avec le banc de sable, plus en hiver, parce que le niveau baisse. Et... Ouais. Mais ici, il a des capitaines extraordinaires, on n'est jamais rentré dans un banc de sable jamais. Avec ce bateau. Bon. J'ai eu cette expérience avec un autre bateau il y a 15 ans. Oui. Quoi. Bon, c'est moins dangereux qu'un iceberg, hein, quand même. Oui, mais le problème, c'est quoi? Ça arrête un peu le ça voyage mmh. et le programme ouais. et tout. Et les clients ils réservent un bateau. Ouais. Il faut que tous les passagers descendent après pour faire remonter. Il amène un remorqueur avec les câbles de fer. Ça. Je l'ai vu sur deux autres bateaux avant où on les croise. Mais là, Inch'Allah, on n'a pas de problème. La profondeur du Nil, c'est combien? Ça dépend, ça change. Dépend, bien sûr, mais... Et si environ le moyen, c'est 7-8 mètres. Quelquefois, c'est 12 mètres. Quelquefois, c'est 4 ou 5 mètres devant la sucrerie. On est passé devant une sucrerie à Armant, juste après 20 km de navigation. Ça, c'est la partie la plus grave. Mm-hmm. Voilà, il y a le risque de bande de sable. On est passé aussi, moi, ça m'a marqué devant un chantier naval. Il y a un chantier naval ici à Armant, où les bateaux, il reste un peu pour la réparation. Ouais, des gros travaux, etc. Visiblement. Oui. Il y a quelques accidents avec quelques bateaux, alors ils doivent être réparés. C'est le bon moment maintenant pour réparer le bateau, si on se prépare. À la reprise, à la grosse reprise. Il y a une reprise, mais on attend la grosse reprise. La première croisière sur le Nil, c'est quand? Historiquement, la première croisière sur le Nil, à mon avis, après tous les livres que j'ai lus, ça a été sur ce bateau-là à la fin du 19e siècle. Oui, c'est ça, sur celui-ci. Oui, sûr et certain. Ah, et ce bateau, après ça, est parti aux autres croisières, aux années 20. Et Agatha Christie est passée sur ce bateau quelques jours où il a peut-être commencé mort sur le Nil. Mort sur le Nil ici. Ah, je trouvais des photos pour ce bateau des années 20 ou 30. Je peux vous montrer ça. Ouais. Il y a le roi Fouad devant l'escalier là avec tous les ministres et les bachas égyptiens. Je trouvais ça par hasard sur Internet. C'est sûr et certain que ce bateau, il a une histoire extraordinaire. Oui, c'est un des premiers bateaux, ou le premier bateau, qui a fait la croisière sur le Nil. Pendant qu'on parle, on continue à monter, essayer. Oui, on est déjà monté, les 7-8 mètres là. Mais ce bateau, le directeur, il va vous faire maintenant le cocktail et vous allez comprendre l'histoire de ce bateau. Mais il date le 19e. Et il était un jour à partir de roi Fouad, roi Farouk, un bacha qui s'appelle Anahas, etc. Ce bateau, il représente une partie de l'histoire de Nil. Ouais. Enfin, il y a beaucoup d'histoires à raconter ici. Oui. Alors, donc, nous, on va se retrouver pour raconter bien d'autres histoires aussi, plus anciennes que le bateau, oui. Mais entre histoires récentes, plus anciennes, le séjour en Égypte. Je vais vous montrer une photo ici. On raconte des histoires. De roi Fouad, c'est le père de Farouk. Ah, le père de Farouk. Il y a sa photo à la réception, au salon. Ce bateau, sûrement un jour, il était à ce roi d'Égypte aux années 20-30. Ouais, parce que le bateau est quand même antérieur. Farouk, c'est le fils de Fouad. Qui était le propriétaire de ce bateau aussi pour quelques années. Ouais, le règne de Farouk, c'est quand? En 1936, oui, c'est ça. Jusqu'en 1952, voilà, à la révolution de Nasser. Oui, le bateau, lui, donc, avait déjà un demi-siècle. Là. Bah, ce bateau, il était fait par Thomas Cook, je pense, au départ. Ouais. Et ça, c'est sa date sûrement du 19e. Et ça a été l'époque de faire des bateaux pareils. Vous savez, il y a des bateaux pareils au Mississippi, aux États-Unis. Ils fonctionnent au même système. Les grands bateaux à vapeur, etc. Le film Mort sur le Nil, ça a été ici. La deuxième version, à 100%, la première version, une partie ici, une partie ailleurs. Mais ce bateau représente sûrement une partie de l'histoire du Nil. Ce n'est pas n'importe quel bateau. On voit la différence. Oui. On peut faire la différence avec les autres bateaux. On se sent un peu gâté quand les autres bateaux ils viennent, ils nous prennent en photo, ou les autres clients, enfin, dans leurs yeux, ils se demandent ça c'est quoi. Les autres sont un peu des bateaux, enfin, usines, pas usines, oui, à tourisme. Oui, ça c'est des bateaux un peu, voilà, où on trouve 80 cabines. Oui. La cabine, elle fait 4 mètres carrés, où il y a 160 clients. Et finalement, si, c'est pas la même prestation de voyage. Bon, c'est pas la même prestation de voyage. Hein, parce que moi, je trouve que ce bateau, il fait une grande partie de ce voyage. Parce qu'il change tout. Ouais. À la différence des autres, la première vedette dans la la première star dans cette croisière sur le Nil, c'est le bateau, et ça l'est quand même beaucoup moins pour les autres. Voilà. Hein. Et le programme aussi. Et le programme. Parce qu'on et fait le guide un programme. Aussi. Non, ça va. À propos, il y a plusieurs guides ici. On a tourné. Mais le programme, il est très riche parce qu'on fait des sites que les autres ils font pas, surtout à Louxor, à Thèbes, à la rive ouest. Et les Français ajouteront, c'est aussi une formidable croisière parce qu'on mange bien. Oui, mais c'est le personnel. Ouais. Là, on parle de personnel. C'est vrai. La nourriture, chef, les serviteurs, etc. Tout le monde est souriant, le directeur. Moi, je trouve que tout le monde, il aime bien son travail, qui est la base de n'importe quel travail. Hein, ça voit tout de suite, même avec le sourire. On peut savoir la différence entre un vrai sourire et un sourire jaune ailleurs. Ouais. Au sardonique. Et là, c'était un vrai. Je pense que oui. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et avant tout, je tiens à vous remercier d'avoir choisi l'Égypte. Et c'est pas tout spécialement pour passer vos vacances. Et j'espère également que vous me pardonnez si mon français c'est pas excellent. First of all, let me thank you for your choice, our country Egypt, and our steamship Sudan, to spend your holiday on. Hope and wish that you are enjoying your accommodation on board and that you are appreciating the service also on board. Bon appétit. Merci, bravo, c'était très bon. C'est gentil, merci à vous. Merci à vous. Bon appétit. Merci. Merci à vous, madame. Bon appétit. Merci à vous. Ça va bien, Chantal? En forme? En forme. Parfait. Bon appétit. Merci. Bon appétit. You are welcome. You are welcome. Thank you are welcome, sir. Walid, stop. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Bon appétit, monsieur. Merci. Merci à vous. Merci à vous, madame. Bon appétit. Saha. On dit l'Égypte Saha. Et pour le dîner, Omar Sharif. Le menu ce soir s'appelle Commandant. Amuse-bouche à Grim, les entrées risotto, les plats principaux poisson charmol avec des légumes, les desserts et cake chocolat. Bon appétit. Suivez le guide, remonte le Nil entre Louxor et Assouan à bord du mythique steamship Soudan. Le seul vapeur sur le Nil. Après notre première nuit paisible à bord, nous allons visiter Edfou avec Bassem, le guide du steamship. Nous débarquons et prenons place à bord de calèches tirées par des chevaux pour rejoindre ce temple à demi ensablé jusqu'au milieu du 19e siècle, le mieux conservé du pays. Lorsque le grand égyptologue Auguste Mariette le découvrit en 1860, il fallut en expulser ses habitants, le dégager, le nettoyer et le restaurer. C'est le troisième plus grand temple du pays après Karnak et Medina Abou. Il est un petit peu plus de 8h du matin, Bassem, bonjour. Bonjour. Bassem, nous avons quitté le bateau. Ouais. Nous sommes à Edfou. À Edfou, oui. Et plus on est de fou, plus on rit, hein, c'est ça. Plus qu'on est de fou, plus qu'on rit, voilà. Et alors, on sourit en tout cas tout au monde parce qu'on est content. Oui. Et on est content, pourquoi sommes-nous contents? On est content parce qu'on va faire un petit trajet en calèche, on fait un petit trajet en calèche. Voilà. En fait, on est presque entre Louxor et Assouan, jusqu'à la moitié... au milieu de la route entre Louxor et Assouan, à 110 km de Louxor et à 110 km d'Assouan. Et là, on fait les calèches parce que c'est intéressant. Pour faire aussi les gens gagner leur vie, parce qu'il y a beaucoup de calèches et beaucoup de cochers dans la ville. Comme ça, chacun gagne sa vie. Nous, on passe, on est content. Et chacun autour, il est content aussi. Et alors là, c'est magnifique, on longe le Nil, hein, bien ah, sûr. C'est un bon tour pour tous les clients, parce qu'on voit bien le Nil. On va avancer aussi dans la ville, au centre-ville. Et finalement, on va se retrouver dans un temple extraordinaire. C'est un des temples les mieux conservés d'Égypte. Voilà, c'est l'intérêt ici, à être fou. Sinon, ouais. la ville a un intérêt ou pas plus que ça? Pas grand-chose. Hein. Il y a quelques usines pour les... Bon, en fait, c'est des sucreries pour les cannes à sucre. Il y a deux, trois petites usines de ferraille où les gens travaillent. Mais la majorité des habitants d'Edfou, ils travaillent au tourisme. Alors, des calèches, on en trouve bien sûr à Louxor. On peut aller d'un site à l'autre à Louxor en calèche. On en trouve ici. On en trouve un peu partout sur les sites touristiques. Assouan, Louxor, Edfou. Mais ici, en fait, c'est presque maintenant le seul moyen pour aller voir le temple. Sinon, on va aller à pied, c'est 3 km. Il faut mieux prendre la calèche. Ouais. Bon, et puis c'est plus agréable, effectivement, qu'un bus. Aux pyramides, il y a des calèches aussi ou ce sont plutôt les... Aux pyramides, il y a quelques petites calèches. Ouais. Oui. Mais on peut faire aussi tour de dromadaire. C'est ça, il y a les dromadaires aux pyramides. فيها صوتك بتكتب بكره بشروطك دي بشره خير. Ah, le matin déjà, on voit le chicha le matin. Ouais. Mais le chicha, il fonctionne 24 sur 24 en Égypte. Hein. Le narguilé déjà le matin, comme Les Égyptiens sont de grands fumeurs, surtout le narguilé. Vous le fumez, vous, Bassem? Heureusement, non. J'ai jamais fumé. Non? Je viens d'une famille non-fumeur. Mais j'ai fait d'autres bêtises, si tu veux. Ah bon, ça me rassure. Personne n'est parfait, hein, c'est ça qu'on dit. Hein. On croise quelques femmes qui sont plutôt complètement voilées. Juste les yeux, les yeux. On voit le voile comme ça. Ah, la boulangerie, le monde à la boulangerie. Ça, c'est la boulangerie, oui. Mais c'est le matin, tout le monde cherche le petit déjeuner. D'ailleurs, quand on est passé devant, ça sent bon le pain. Mais la mosquée, d'ailleurs, elle est fermée parce que la prière, c'est fini. Alors, faut dire que nous, on a passé une partie de la nuit ici à Edfou. On s'en est pas forcément rendu compte. On est arrivé à 2h30 du matin. Ah, ça, c'est le marché. Le marché, il doit être là, mais c'est pas encore ouvert. Regardez les légumes, les fruits. Heureusement que nous avons un arbre. Je fais un deal avec lui qu'on rentre par le marché. Nous. Ah, ça serait intéressant que je jette un coup d'œil. On peut entrer avec la calèche dans. On essaye de faire le deal. Ouais. Il faut insister. Ça, c'est les taxis collectifs. Ça, c'est pratique. Hein. Ah oui, ça, c'est très pratique parce qu'il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram. Et les gens, ils ne sont pas riches. La majorité, ils n'ont pas de voiture, en fait. Alors, ils prennent le taxi. Regardez, ça c'est l'enceinte. Le trace de l'enceinte de temple en brique. Oui, ça c'est traditionnel. On le voit partout, brique, ça. Très large. À Karnak, par exemple, il y en a. Au temple de Madine et Tabou. Regardez, dans ce temple, il y avait un jour 3000 prêtres. On est sûr de ça. 3000? Ah oui, on a trouvé des documents qui parlent de ça. Ouf, c'est beaucoup. Alors, à Karnak, il y avait 20 000. Ça c'était une armée. 20 000 prêtres. 20 000 prêtres. On a l'impression que c'est exagéré, mais si. Parce que les prêtres, ils étaient nombreux, ils avaient des sectes. Et chacun, il faisait quelque chose. C'était un bon métier en Égypte ancienne, prêtre. De flous, de sous. 20 000 prêtres à Karnak. Oui. Ici, 3 000. Mais ça, c'est un temple qui est plus moderne que Karnak. Mais ça, c'est le temple le mieux conservé de l'Égypte. Et de fou. Parce que ça a été fait par les Ptolémées, c'est pas pharaonique, c'est après Alexandre le Grand. 3e siècle avant Jésus. Ah là, on arrive au parking. Voilà, on va le parking à calèche. Un parking de Vinci. Oui, c'est géré par Vinci. Alors, il n'y a pas de barrière qui se soulève, ça non va, ça va. Bon, bah merci. C'est bon, descend. Alors, à 10h15, on sera tous à la calèche et je serai là. Si vous voulez faire des petits achats avec le vendeur dehors, aucun problème. Hein, ils doivent vivre aussi. Mais je vais vous donner, c'est ça qui m'intéresse, les prix logiques. Que ça soit pas être de l'arnaque. Ils doivent vivre, mais avec des prix un peu logiques. Jalabas. Il y a quelqu'un qui m'a posé sur le djalaba, 5 euros maximum. Les t-shirts, 3 euros, 30 livres. Suite de ce Suivez le Guide en Égypte, nous sommes en croisière sur le Nil, que nous remontons vers Assouan. C'est l'escale à Edfou, 3e plus grand temple égyptien. Quelques éléments saisis au fil de la visite commentée par notre guide Bassem. Regardez devant vous, regardez, le temple est très beau. C'est le temple le mieux conservé d'Égypte. C'est le temple le plus intact. Êtes fou. Ce temple, il a pris 180 ans pour être achevé. Ça a été terminé par Ptolémée XII, 57 ans avant Jésus-Christ. Là, vous allez voir le pharaon même qui vient pour célébrer l'anniversaire de Dieu avec son petit cheval. Regardez. Le pharaon, il est grand, il a la même taille de Dieu parce que c'est un Dieu sur terre. Mais sa femme, il arrive à ses genoux. Le prince héritier, le grand prêtre, toujours là. Même le cheval. Mais regardez le cheval, comment il est tout petit. Mais ça, c'est l'importance de pharaon. Et le martelage, ça, on l'a vu ailleurs. Regardez bien. Et comme je vous dis, il ne faut pas toujours jeter le martelage sur le dos de copte ou de chrétien. Parce que tout le monde a fait de martelage en Égypte ancienne. Ça a commencé par les pharaons, par les Ptolémées, par les Coptes, ça se termine par les musulmans. Mais la majorité de martelage, ça a été fait à l'époque chrétienne. Surtout quand ils ont transformé le temple que vous êtes aujourd'hui en église et en monastère. Regardez, le temple, comme je vous dis, monsieur, dame, il est presque intact. Pas juste parce qu'il était fait à l'époque Ptolémée, mais aussi parce qu'il était tout à fait ensablé au Moyen-Âge. Hein, vous seriez étonné, mais le sable au Moyen-Âge ici est arrivé jusqu'au niveau de chapiteaux de colonne à l'intérieur. Ça veut dire peut-être 20 mètres. La majorité des musulmans, ils ont abandonné le temple que vous visitez aujourd'hui. On n'a jamais trouvé un temple qui était transformé en mosquée, sauf le temple de Luxor. Ça, c'est exceptionnel. Mais sinon, les musulmans, ils abandonnent ce site parce qu'il y a des statues et des représentations humaines qui n'est pas tout à fait appréciées à la religion musulmane. Vous n'allez jamais rentrer dans une mosquée où vous voyez Mohammed, par exemple, représenté. Comme on va à l'église, on voit Jésus. Les... Non, ça, c'est interdit. Et c'est pourquoi les musulmans, ils ont abandonné ici, ils ont construit ailleurs. En Égypte, il y a des tempêtes de sable qui viennent chaque année au mois d'avril. Et voilà, siècle par siècle, couche par couche de sable, le sable est monté jusqu'au 19e siècle. Ce temple, il était nettoyé par qui? Un grand égyptologue français qui a bien aimé l'Égypte, qui est resté 30 ans ici en travaillant avec le sable. Hein, c'est Mariette, Auguste Mariette. Et après qu'il a fait ça, il est resté à votre place, il a dit une très belle phrase. Au temple d'Edfou, il ne manque que les prêtres parce que les constructions, ils sont toutes là. Vous allez remarquer ici quelque chose d'extraordinaire. C'est les cartouches vides. Souvent, le cartouche, il contient le nom d'un pharaon. On est d'accord? Mais quelquefois, dans le temple ptolémaïque, on voit un cartouche vide. Regardez le cartouche là. Rien n'est écrit. C'est bizarre, c'est drôle. Parce que souvent, le cartouche, il doit avoir le nom de pharaon. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'à la fin de l'époque ptolémaïque, on a changé beaucoup le pharaon. Alors, à la place de creuser, ils ont simplement dessiné le nom. Et après ça, ils l'effacent. Il y a un nouveau pharaon, il dessine le nouveau nom, etc. Et ça représente toujours des problèmes politiques. Quand vous voyez des cartouches vides, ça veut dire qu'il y a un problème politique. Il y a la guerre civile à Alexandrie. La capitale, elle était très loin. Elle était à Alexandrie. Hein? Et les pharaons Ptolémée, ils ont rarement visité les temples qui se trouvent ici au sud. Et quand il vient ce nouveau pharaon pour lui faire satisfaire, hein, on dessine son nom là. Quand il part, 2 ans après, il y a un autre pharaon, on efface et on écrit. Mais avec le creusement, c'est plus difficile pour effacer une couche. Continuons à visiter le temple d'Edfou avec Bassem, notre guide, qui nous fait penser à Michel Boujna, le rythme verbal sans doute. Pourquoi il y avait des milliers de prêtres à chaque temple? 20 000 prêtres à Karnak, 3 000 prêtres à Edfou, parce qu'il était des sectes. Et chaque secte, il faisait quelque chose. Les prêtres de nuit, ils étaient quoi? Les astronomes. Ils ont bien regardé les étoiles. Ils ont calculé les heures. Ils ont calculé les saisons, le temps, l'année. Vous serez étonnés, hein, le calendrier égyptien. Déjà, c'est le premier calendrier solaire du monde entier. Déjà, l'année à cette époque, il se composait de 365 jours. On n'a rien inventé. Une heure avant l'aube, la musique commence. Alors, il y avait les prêtres musiciens. Ils annoncent le petit jour. Il y avait les prêtres web. Ils sont les responsables des offrandes. S'il y avait un taureau à sacrifier, c'est le prêtre web qui dit il faut choisir ce taureau-là. Il amène tous les offrandes. Tout cela, il doit être prêt avant que le grand prêtre arrive. Attention, parce que le grand prêtre, c'est le PDG. Il ne va pas faire les offrandes lui-même. Quand lui, il vient, tout doit être prêt. En fait, le grand prêtre, il travaille 1h30 par jour. Et souvent, c'était une personne âgée. Âgée à cette époque, ça veut dire qu'elle a 50 ans. Si on ne fait pas les offrandes au Dieu, ça veut dire qu'on ne donne pas l'énergie au Dieu, le désordre, il va gagner son tour. Et à ce moment-là, il y aura des catastrophes. Il y aura des maladies. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des grands problèmes. Cette salle, elle était bien sauvée. Regardez. Pas de martelage. Pourquoi? Bonne question. Pourquoi les chrétiens et les musulmans, ils ont martelé dehors et ils n'ont pas martelé ici? Changement technique. Ils ont bien remarqué que le martelage est très difficile, fatigant. Il faut fixer un échafaudage, amener les ciseaux et les marteaux et travailler. Ils ont inventé un nouveau système. Ils ont plâtré le mur pour cacher les cèdres. Alors, plâtrer un mur, ça prend une semaine. Mais marteler un mur, ça prend 2-3 mois. Après ça, Mariette a enlevé le plâtre pour nous montrer les scènes. Mais là, les scènes, elles sont presque intactes. Et là, à propos, ils ne sont pas des scènes d'offrande. C'est des scènes extraordinaires qui nous comptent presque en bande dessinée. Vous serez étonné, les anciens égyptiens, ils ont inventé plus ou moins les bandes dessinées. Regardez, ça commence par là. Le pharaon, il demande l'ordre de Dieu Horus de construire une partie de temple. Bassem, vous insistez beaucoup sur le fait que les Égyptiens, contrairement à ce qu'on peut parfois penser, n'adoraient pas les animaux. En fait, tous les animaux que vous voyez, les insectes, les oiseaux, ça a été des symboles pour le Dieu, des images pour le Dieu. Mais ça n'était pas le Dieu même. Ça était juste un des symboles de Dieu. Il ne faut pas imaginer que des gens qui ont fait tous ces grands temples et les pyramides, et les tessis odieux pour adorer finalement un crocodile et un escarabée. Ça a été juste des symboles, des images. Mais on dit parfois que le chat a été sacré, par exemple. Ah oui, ça va. Il y avait une déesse qui était une femme avec la tête de chat, qui était la déesse Bastet. Mais ils n'ont pas adoré l'animal de chat même. Alors moi je comprends bien que certains animaux représentent le mal, enfin le cochon, l'hippopotame, mais la tortue, alors la tortue pourquoi? La tortue d'abord, elle vit dans les marais de Delta, il consomme une grande quantité de l'eau à la crue du Nil, alors ça c'est toujours un symbole de mal, il vit très longtemps, il se cache bien, il sent mauvais, alors c'est un bon symbole pour le mal. Mais la gazelle? La gazelle, elle vit au désert. Et le désert, c'est le royaume de Seth, le méchant. Alors tous les animaux qui viennent du désert sont méchants. Parce que c'est gentil, une gazelle. Moi, il y a quand même une légende qui te dit quoi, que la gazelle a avalé l'œil de Ra, le soleil. Elle est partie avec au désert. Enfin, le pharaon, comme on a vu là, il doit amener la gazelle pour la massacrer, pour faire sortir l'œil de Ra et la remettre à sa place. C'est toute des légendes, de quoi? Mais la gazelle, elle est gentille, je suis. Je suis d'accord. Enfin, la tortue aussi. On dit même que c'est pas une gazelle, c'est un antilope. Et là, vous voyez une scène extraordinaire. Vous voyez le pharaon là? Il gave une noix. Je ne sais pas si les anciens égyptiens, ils avaient des foie gras. Mais quand on gave l'oie, ça veut dire que le bien a tué le mal. La vie est belle. On a même le temps et la chance pour gaver une oie. Ça, c'est une scène très rare. Down in the valley, en Égypte. Suivez le guide en Égypte, sur le Nil, à bord du steamship Soudan. C'est une nouvelle journée, la dernière pour Roman et moi. Il est temps de recueillir quelques impressions de passagers. Rencontre avec un couple de Niçois. Hélène et Jean-Michel, nous bavardons sur le pont supérieur du steamship Soudan. C'est le matin, on est tout seul. C'était la matinée grasse mat dans la croisière sur le steamship Soudan. On découvre à 9h du matin le Nil, les berges du Nil. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous inscrire et de participer à cette croisière sur le steamship Soudan? Tout d'abord l'Égypte, parce que bien que cela fait 40 ans que nous voyageons, plusieurs fois par an même, Nous n'avions jamais fait de voyage en Égypte, aussi paradoxal que cela puisse être. Il n'est jamais trop tard. Et c'était l'occasion rêvée parce que tout d'abord, l'Égypte, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est tranquille. C'est un pays qui bénéficie de bonnes conditions au niveau sécurité. Donc à cet automne 2014, où parfois certains sont encore réticents. À l'automne 2014, certains sont assez réticents. Nous, ça ne nous a pas fait peur parce que nous avons l'habitude de voyager. Et au contraire, on s'est dit peut-être y aura-t-il moins de monde, et c'est le cas. Deuxièmement, nous aimons bien voyager sur les traces des explorateurs du 19e siècle. Nous aimons le voyage calme, à pied, avec des moyens de locomotion lent, et le steamship Soudan, bâti à la fin du 19e, pour nous était assez emblématique. Bon, le seul petit problème, c'est que nous n'avons pas l'habitude de voyager généralement en groupe, mais ce groupe petite quantité est parfait, et nous avons posé nos sacs à dos pour une fois, et nous bénéficions du confort, voire du luxe de ce bateau, et ce n'est pas rien de le dire. Vous ne voyageriez jamais à bord de ces gros bateaux où il y a 4000 personnes, 8 étages, enfin, etc., des ascenseurs Non, j'habite déjà un appartement à Nice, donc j'ai ce qu'il faut. J'ai la vue sur la mer aussi, donc je n'ai pas besoin de bénéficier de ce genre de gros bateau. Non, mais trêve de plaisanterie, nous aimons voyager calmement, en individuel, parce que c'est toute la richesse du voyage aussi, de fabriquer son voyage soi-même. Mmh. Voilà, nous sommes des artisans du voyage, on va dire. Et là, il y a de toute façon au maximum une cinquantaine de passagers à bord du steamship Soudan. Effectivement, dans des conditions, alors c'est pas toujours le cas dans vos voyages, dans des conditions assez luxueuse. Hein. Oui, bon, maintenant, le luxe, on ne crache pas dessus, hein, attention, soyons honnêtes. Oui. Vous dormez dans votre lit, vous ne dormez pas par terre. Non, voilà, non. Voilà. On est exceptionnellement, nous dormons dans notre lit, nous n'avons pas pris la tente, comme c'est le cas quelquefois. En tant que voyageurs, on sait s'adapter aussi. Donc, pour nous, ça fait partie de l'exploration. C'est un monde que nous ne connaissons pas, et disons qu'au titre de ce voyage spécifique, nous le considérons comme un des paramètres du voyage. Voilà, c'est une découverte comme une autre, mais c'est une découverte, je dirais, agréable. Là, on est en train de longer alors, sur le Nil, en remontant le Nil, sur la rive, on voit les pêcheurs du matin qui pêchent peut-être la perche du Nil, dans ces eaux du Nil. Hein. Oui, on est sur la rive droite, puisqu'on a quitté Komombo il y a une petite demi-heure, et comme la plupart des villes de la Haute-Égypte, elles sont construites sur la rive droite, où se lève le soleil que l'on aperçoit aussi, et qui s'est levé il n'y a pas si longtemps. Et des pêcheurs, là, un petit groupe de pêcheurs tous les 3 mètres, hein, il y a à peu près un pêcheur. Vous en pensez quoi alors, enfin, de ce steamship Soudan? Donc on a dit luxueux, enfin, etc. Mais sinon, le steamship Soudan, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que, comme je vous l'ai dit, nous voyageons dans l'esprit des explorateurs du 19e. Bon, les explorateurs du 19e, Burton, Speke, les premiers, les précurseurs du Nil, n'ont pas voyagé dans d'aussi bonnes conditions. Mais l'esprit de ce type de voyage, depuis Burton Speke, depuis Thomas Cook ensuite, et jusqu'à aujourd'hui, je trouve que c'est quand même un bateau à vapeur qui remonte le Nil. Quoi de mieux ? On entend très peu le bruit du moteur, on n'est pas du tout dérangé par la machinerie, et puis c'est quand même extraordinaire de se dire que ce bateau a plus d'un siècle, et qu'il est toujours dans des conditions extraordinaires au niveau du fonctionnement. C'est dire que ces gens, à l'époque, faisaient quand même de la bonne qualité. Je ne sais pas si les bateaux que nous avons vus, qui croupissent un peu le long des quais en remontant le Nil... Il y en a beaucoup, là. On nous a dit qu'il y avait 400, à l'époque, près de 400 bateaux. Il n'en reste que 40 qui fonctionnent, donc ça fait 10%. Pour le moment, oui. Pour le moment, mais je ne sais pas si ces bateaux, d'ici quelques temps, quand bien même le tourisme se redévelopperait à nouveau, est-ce que ces bateaux qui ont été construits dans les années 70-80 vont refonctionner comme le steamship Soudan? On dirait qu'il n'y a eu besoin que de remettre la vapeur pour qu'il redémarre 100 ans après. Vous avez une préférence pour les voyages, les croisières, puisqu'on parle de croisières, les croisières en eau douce plutôt qu'en eau salée? Non, on n'a pas de prédilection. Bon, disons que eau salée, ça veut dire la mer ou l'océan. Donc, ce sont des voyages qui sont plus longs. Donc effectivement, c'est peut-être un petit peu plus monotone, surtout s'il faut traverser des océans comme le Pacifique ou comme l'Atlantique. Alors c'est évident qu'il y a moins à voir. Il y a moins à voir si ce n'est les côtes, mais effectivement, on privilégie quelquefois des remontées ou des redescentes de fleuves, parce que d'abord il y a des fleuves aussi mythiques que le Mékong, que le Zambèze que nous avons parcouru aussi, que l'Oxus en Asie centrale, qui est le grand fleuve d'Alexandre, où nous sommes allés jusqu'à sa source. Alors dans des conditions certes très différentes, parce que là il faut marcher, il faut dormir sous la tente. On est souvent à plus de 5000 mètres d'altitude. Mais la remontée d'un fleuve ou sa descente, c'est quand même très intéressant parce qu'on va de village en village. Généralement, les rives ne sont pas aussi larges que ça. Donc, on voit beaucoup de choses qui se passent, comme ces pêcheurs qu'on a vus tout à l'heure. On voit des petits bateaux passer, on voit la vie sur le fleuve. On peut s'arrêter à tout moment, c'est quand même mieux que sur la mer. Ce n'est en fait, en regardant la vie, parce qu'on observe la vie, enfin, la faune, la flore, la vie, enfin, ce n'est jamais lassant. Non, ce n'est jamais lassant. Et puis, même quand on est lassé, on se repose sur un transat, on prend un livre, et puis c'est un autre voyage qui commence aussi. Il y a toujours quelque chose à faire sur un bateau. On a eu la chance aussi dans celui-là, avec le personnel aussi accueillant, d'être guidé à bord, de pouvoir visiter la salle des machines, le poste de commandement. C'est un bateau qui est tout à fait ouvert, je dirais, par rapport à bien des bateaux. Il est interdit, il y a des barrières, on ne peut pas pénétrer dans la salle des machines, on ne peut pas accéder au poste de pilotage, de commandement. Là, c'est vraiment parfait. On a l'impression qu'on peut aller vraiment partout dans ce bateau. Ce qu'il faut souligner, Jean-Michel, c'est que la croisière, que nous vivons ensemble, c'est une croisière en remontant le Nil. Et pour vous, c'est important? Alors, c'est une très bonne question, effectivement. C'est une très bonne remarque. Comme vous le savez, cette croisière, elle se fait dans les deux sens. Elle se fait en remontant le Nil ou en le redescendant. Alors nous, en amoureux de l'exploration que nous sommes, nous avons choisi la remontée parce que, bien sûr, le Nil, on l'a découvert progressivement jusqu'à sa source dans les années 30. Hein, et c'est une conquête qui a duré quasiment un siècle, la recherche des sources du Nil. Je dis des parce qu'il y en a plusieurs. Et effectivement, pour nous, on ne pouvait que remonter parce que si on voyage véritablement dans l'esprit des explorateurs du 19e et du début du 20e, on ne peut que remonter le Nil. Voilà. En plus, ça dure un jour de plus et c'est un jour de plaisir et de bonheur en plus. Alors moi j'ai la chambre de John Mason Cook. Donc, le fils de Thomas, hein, celui qui a vraiment développé les voyages en groupe ici sur le Nil. Donc, c'est un peu après les explorateurs. Et vous, Jean-Michel ? Ah ben moi, j'ai une chambre d'explorateur, vous imaginez bien. Bon, je ne l'ai pas choisi exprès, mais le hasard fait bien les choses. J'ai la numéro 9, qui est la Mariette Auguste Pacha. Mariette Auguste est un des plus grands égyptologues. Mariette est son nom de famille. Hein. Mariette, c'est pas une famille. Dame qui est prénommée Mariette. Absolument. Mariette, qui était née à Boulogne-sur-Mer. Et Auguste, c'est son prénom. Et Pacha, c'est le terme que les Égyptiens lui ont donné en reconnaissance de tous les services qu'il a rendus pour l'égyptologie. C'est celui qui a quand même désensemblé le temple de Louxor, de Karnak, de Komombo, qui a été un des plus grands après Champollion. C'est le premier directeur des antiquités égyptiennes. Quand même, c'est vraiment un des grands noms de l'égyptologie. Et c'est la fin de ce Suivez le Guide en Égypte et sur le Nil, à bord du mythique steamship Soudan. Nous nous y retrouverons prochainement et reprendrons la conversation avec Amir, son directeur, Bassem le Guide. Un grand merci Amir, directeur du steamship Soudan, Bassem le Guide, Anne Duménil, conseiller spécialiste Égypte du tour opérateur Voyageurs du Monde. Un grand merci aussi à Hélène et Jean-Michel, notre couple niçois qui a accepté de témoigner. Sarah L'Herbier et Vanessa Descourtis de l'agence Indigo Consulting Paris, l'office du tourisme égyptien. Un grand merci aussi à Janine Ortiz pour sa précieuse collaboration. Réalisation Roman Feocchio, un guide de voyage conseillé, le petit futé Égypte. Connectez-vous à steam-ship-soudan.com et le blog followtheguide.blogspot.fr pour retrouver les photos des émissions.